Toujours en Corée du Sud, l'Action nationale contre la disposition d'ossade a organisé le 26 devant le ministère de la Défense l'Action pour la paix contre la disposition en Corée du Sud du système antimissile américain. Y ont participé diverses organisations telles que les gens pour la paix et la réunification et les formations du bouddhisme orthodoxe.